J'fais que danser. J'fais que danser. Éteins la zig, mon sang. Toujours ça me donne des nausées. C'est ainsi, c'est pas trop ça. Des fois j'sais plus à qui causer. Ma baby, ma rosa. Dans la suite, on est posé. Que c'est des bâtards s'ils font ça. Faire comme si même pas on se connaissait. C'est ma baby, ma rosa. Dans la suite, on est posé. Que c'est des bâtards s'ils font ça. Faire comme si même pas on se connaissait. J'fais que danser, danser, danser. Penser. Ah, je vais tout casser. Me casse pas les couilles aussi. J'ai que la tête imposée. Pour déguster la musique. J'vois peut-être le paradis. Et avec tout ce que j'aimais, oh. J'ai devenu tout que ça m'a dit. Ça m'a rendu peiné. Je me suis endormi sur la série. J'ai fumé le pet et m'a mis KO. Je vais vite comme Lurus Montsori. Comme Raphaël Leao. Parano comme Charlie Mattei. Parce que je fais des mappéos. Je pense à changer de pays. Ce qui se passe ici, c'est pas très beau. Je fais que danser.